Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une des comédies les plus drôles de l'année. Jean Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en vacances au ski. Seul problème, cette fois-ci, s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d'imagination sans limite pour y parvenir. Pourquoi tu n'en vas jamais au ski, non ? Parce que c'est très cher, la montagne, et comme papa travaille pas beaucoup en ce moment... Feignant, vacabond, bon à rien. Et pourquoi on partirait pour ski, justement, hein ? Ouais ! Au ski. La montagne, ça coûte vraiment très cher. Alors, une semaine de bouffe, 300 euros. Équipement, 400 euros. Forfait. Les skis, les bâtons et les chaussures. 2000 euros. Pourquoi j'ai dit aux gamins qu'on partirait au ski ? Maman ! Non, non, Ludo ! Je pense que c'est mieux que tu partes avec les enfants sans moi. Je suis dit, j'y arriverai jamais sans toi. La bouffe, le linge, la vaisselle, tout ça. Papa, papa, viens voir vite ! Il y a une drôle de voiture garée devant la maison. Elle est pleine de noirs. T'as jamais vu de noirs ? À cette altitude, c'est plutôt rare. Bonjour. Bonjour. C'est pour la location. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez 5. La première étoile, un succès inattendu mais mérité pour ce film de Lucien Jean-Baptiste, un DVD Warner Home Video.